Food Folk. C'est fou. 89 ans. Mathieu Planchot. Dans Thermigine, le CRTC propose de simplifier les contrats de distribution télé. Je vais vous simplifier ça, moi, votre contrat. Annulez-le et achetez-vous une antenne. Dans segment Geek CX, Andy, un bras bionique qui se connecte au smartphone. À regarder les gens sur le campus, je suis certain, c'est le contraire qu'un smartphone était connecté à leur bras. Et dans Merci Science, Boeing dépose un brevet pour un champ de force façon Star Wars. Le Mathieu Planchot et Mathieu Planchot commencent tout de suite. Et voici celui qui est connecté directement au centre cérébraux de votre plaisir, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 30 mars 2015, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait, Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine, merci science. On va aussi débuter une nouvelle série musicale, oui, une série musicale sur Earthworm Jim qui s'appelle Groovy 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim. C'est une courte série, on va la faire vers la fin de l'émission. Pour commencer par contre, on a débuté avec une pièce chiptune qui était Sun is Silver et Kisses in the Sky. On va continuer à l'instant avec My Explosion. Voici Spring Blossom au 89.1 FM. C'est fou. Et Spring Blossom dans le Mathieu Plante Show. On continue maintenant. Enfin, on commence l'émission avec la première chronique. Voici Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, ce qui s'est passé depuis la semaine passée. Je me souviens que la semaine passée, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. En fait, je pense qu'il y en avait 5-6, j'avais vraiment ratissé le fond du tiroir. Cette semaine, ça recommence. Donc, on a pas mal de nouvelles. Affrontons-les en commençant par le Québec, comme toujours, avec une version québécoise de The Apprentice. Point d'interrogation, possiblement, peut-être. Donc, on demande dans la presse si le Québec va avoir bientôt son mentor comme le richissime Donald Trump de l'émission The Apprentice aux États-Unis. C'est n'en tient qu'à Sophie Ferron, présidente de Media Ranch, qui vient d'acheter les droits pour une adaptation québécoise. Le tout pourrait être en onde dès janvier 2017. Avec seulement, quoi, ça fait 10 ans que c'est en onde, cette émission-là. Elle dit, je cite, « Je suis une fan de cette émission depuis longtemps et récemment, pendant un voyage d'affaires, je constatais que le concept n'avait jamais été repris au Québec. » Tu viens d'animer, toi, hein? Avec la mode des émissions qui parlent d'entrepreneuriat, il me semble que le moment est bien choisi. Le seul hic pour l'instant, c'est qu'elle n'a toujours pas pris contact avec un diffuseur, avec Zad Communication, une agence spécialisée en intégration de marques à qui l'on doit, entre autres, la franchise, qui est diffusée à V. Il préconise une démarche inverse à ce qui se fait normalement. 10 annonceurs ou grandes marques s'associeront d'abord au projet afin de constituer les défis qui seront présentés aux candidats lors des 10 épisodes. Ces partenariats financeront l'essentiel de la production et les rencontres avec les diffuseurs suivront. Qui sera le mentor québécois? Une personne peut-être comme Guy Laliberté aurait pu être un candidat intéressant dans un contexte différent où il ne cherchait pas à vendre l'entreprise qu'il a fondée, explique Mme Ferron. Rien n'est ainsi fixé pour le prochain Donald Trump du Québec qui doit notamment s'engager à demeurer disponible pour le tournage, affecter 2 assistants de son entreprise à l'émission et intégrer le gagnant comme apprenti pendant 1 an. après la finale. Il y avait une version britannique, entre autres, de The Apprentice. Je ne me souviens pas s'il y avait une version française, mais il me semble que oui. Mais quand même, mieux vaut tard que jamais pour un concept comme celui-là, même si aux États-Unis, c'est pas que ça s'essouffle, mais c'est en baisse. Mais ça reste un succès pour que ça revienne à chaque maudite année avec la même formule. On reste au Québec avec le retour des sketchs à Télé-Québec. Des sketchs sur la génération Y. Le grand complice de Marc Labrèche, l'auteur Marc Brunet, fait cavalier seul pour une émission de sketch humoristique qui mettra notamment en vedette une personne qui est habituée maintenant aux sketchs et aux futures émissions annulées de Télé-Québec, on va dire comme ça. Catherine Levac de SNL Québec. À l'hiver prochain, antenne de Télé-Québec. Marc Brunet, qui est associé à des projets comme Les Bobos, 3600 secondes d'extase et Le cœur à ses raisons, s'intéressera à la génération Y dans C'est pas moi, c'est toi. C'est un titre de travail. Un rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes. Chaque semaine, il sera question à travers 8 à 9 sketchs tournés à l'extérieur des studios des préoccupations et de la réalité de ces jeunes adultes qui ont grandi avec des ordinateurs personnels, jeux vidéo et Internet. Sous l'influence du web, des blogs et des réseaux sociaux, leur vie est dictée par l'image qu'ils veulent projeter d'eux-mêmes. Dans C'est pas moi, c'est toi, on retrouvera entre autres des parodies de publicité ou de clips populaires sur YouTube. Une dizaine de comédiens, dont Catherine Levac, seront de l'aventure. Les auditions pour compléter l'équipe seront prévues pour la fin. En fait, sont prévues en ce moment pour la fin du mois. Du potentiel, comme toujours, mais pour vrai, on dirait qu'il faut pas s'attacher aux émissions de Télé-Québec parce que même leur gros succès, ça disparaît tout le temps. Et il faut une émission super fade, à mon avis, comme Belle et Bum, pour rester en ondes longtemps, t'sais. Justement, parlant de Télé-Québec, ils perdent leur PDG. Après 10 ans à la tête de Télé-Québec, Michel Fortin devra quitter son poste de président-directrice générale le 3 juillet prochain. Radio-Canada annonce que son mandat n'a pas été renouvelé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elle part alors que le diffuseur connaît une période d'incertitude et de compression à venir. Cette annonce survient quelques mois après le départ de Dominique Chaloux, qui dirigeait les programmes, parti depuis occuper le même poste à Radio-Canada. L'ancien maître d'œuvre de VRAC TV et des chaînes spécialisées du groupe TVA, Denis Dubois, lui succédera dès mardi. Madame Fortin, attends, je vais regarder la date, je suis en train de perdre le nom, c'est ça, donc mardi. On parle de mardi prochain, voilà, donc. Madame Fortin, qui est un personnage majeur de l'industrie de la télévision au Québec, elle a notamment occupé des postes à la haute direction de Téléfilm Canada et de Radio-Canada. Les Gémeaux lui ont décerné le Grand Prix de l'Académie en 2013. Les archives de la petite vie à la Cinémathèque québécoise. Timé, Jacqueline et leurs enfants vont vivre pour l'éternité après que la boîte Avanti Ciné Vidéo fait don à la Cinémathèque québécoise de toutes les archives de cette comédie culte. La Cinémathèque québécoise a précisé qu'il s'agit pour elle de la plus importante acquisition relative au petit écran au sein de ses collections. Les archives données comprennent les 59 épisodes. Il y a juste 59 épisodes de ça. J'en reviens pas, 59 épisodes, c'est vraiment rien ça. Répartis sur 4 saisons, 3 émissions spéciales, des captations de répétition, des bloopers, les décors des tournages, les scénarios, les calendriers de production, des biographies, etc. Je cite, cette importante acquisition comble une lacune importante des collections de la Cinémathèque concernant la télévision québécoise et confirme de façon magistrale le rôle qu'elle joue dans la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine cinématographique et télévisuel. La Petite Vie est la seule émission de l'histoire de la télévision québécoise à avoir obtenu une cote d'écoute de 4 millions de téléspectateurs pour un seul épisode, un record qui paraît insurmontable, voire irréel, à l'heure où les gens écoutent de moins en moins la télé en direct grâce aux enregistreurs numériques. On en parlait ce matin à Assemblage Requis, les enregistreurs numériques aux États-Unis comptent dans les codes d'écoute, t'as les Live Plus 7. Donc on compte maintenant les 3 jours ou les 7 jours de diffusion d'écoute ou de visionnement sur les machines. En tout cas, j'ai pas entendu qu'on faisait ça encore ici, mais à en croire l'article, on dirait bien que non. La série humoristique est toujours présentée en reprise à l'antenne de Radio-Canada 17 ans après la diffusion du dernier épisode original. C'est quand même quelque chose de jamais vu. La petite. Maintenant, on va à Musimax, où Claude Rajotte va rester. Oui, c'est la surprise du moment. C'est sorti hier, cette nouvelle-là, donc on parle mardi. Malgré l'importante restructuration et les licenciements qui ont frappé de plein fouet Musimax cet hiver, on a parlé ici énormément, Musique Plus, Musimax, tout le monde, tout le contenu original est terminé. L'animateur et critique musical Claude Rajotte conserve finalement son émission sur cette chaîne qui sera désormais réalisée par un nouveau producteur privé. C'est ce qu'on avait avancé l'idée dans les articles, dans les médias, que peut-être que les vedettes, les grands noms des stations Musique Plus et Musimax allaient se faire repêcher par les producteurs externes pour garder au moins une certaine continuité. Donc Rajotte va l'annoncer hier soir. OK, à son émission. Ça continuera en mai avec une nouvelle gang. La formule va rester la même, mais la facture visuelle va changer, a-t-il expliqué à la presse. Son émission se concentrera toutefois davantage sur les nouvelles tendances. Je cite, j'ai fait fausse route en arrivant à Musimax et en voulant me tranquilliser. C'est pas ce que les gens veulent alors je vais revenir avec plus de découvertes et de nouveautés. Après 24 ans de service à cette chaîne, entrecoupé d'un passage à Radio-Canada, Claude Rajotte est un habitué de Musimax et Musique Plus, maintenant la propriété du groupe V Media. Au début du mois, on avait appris, comme je disais tantôt, que les deux stations mettaient fin aux productions internes, mais menant au licenciement de 23 employés et de tous les VJ maison. Donc, ça s'est passé beaucoup trop récemment. Et là, les émissions sont terminées. Par contre, j'ai vu que c'était encore diffusé. Donc, je pense qu'ils jouent des reprises. À moins que je me trompe, mais en ce moment, c'est sûrement des reprises. J'ai pas le câble, ça paraît-il. Patrice Lécuyer qui va animer un Hollywood Game Night québécois. Je suis un fan, je dois l'avouer, de Hollywood Game Night, un petit quiz où des vedettes participent assis sur des divans à des jeux sur grand écran dans un salon d'Hollywood finalement. Donc Patrice Lécuyer va animer une version québécoise du populaire jeu américain Hollywood Game Night cet automne sur Radio-Canada. L'émission remplacera L'Union fait la force dans la case du lundi au vendredi à 17h30. C'est quand même spécial. Aux États-Unis, Hollywood Game Night, c'est une émission d'une heure une hebdomadaire, donc un événement de la semaine. Et là, on va stripper ça sur la semaine au complet. J'ai hâte de voir. Ça va faire quand même 2h30 de ça. C'est beaucoup. Moi, je trouvais qu'une heure, c'était comme... Ça passe bien, mais tu sais, c'est un petit peu long quand même. C'est quand même des jeux faciles. Donc, je sais pas. 2h30, je trouve ça beaucoup. Aux États-Unis, le jeu est mené par Jane Lynch. C'est Sue dans la série Glee, mais dans une case hebdomadaire, comme on dit. Dans une ambiance de fête, des vedettes invitées jouent avec des concurrents du public à différents jeux rigolos dans un décor de salon devant public. Ça fait vraiment beaucoup penser à sur invitation seulement à TVA. Brut. Par exemple, on peut faire deviner le titre d'un film en remplaçant les figures des acteurs par des têtes de chat, nommer une personnalité dessinée par un enfant. Donc voilà. Apparemment que lors du test, Patrice Lécuyer a confondu Éric Lapointe et Ginette Renault. Bon. L'animateur est un abonné des Jeux de Radio-Canada. On sait, il en compte plusieurs à son CV. Les détecteurs de mensonges, les beaux parleurs, le moment de vérité, les squelettes dans le placard. Donc de retour pour une 10e saison le 20 avril prochain pour des squelettes dans le placard. Ah, je savais pas que ça revenait. Alors qu'on sait que l'Union fait la force, ça se termine. Hollywood Game Night, donc il va remplacer ça cet automne. On va au Canada maintenant. Le CRTC propose de simplifier les contrats de distribution télé. Le CRTC qui a lancé juste après l'émission, en fait c'était jeudi passé, on fait l'émission le mercredi en direct, une dernière salve dans sa série de mesures visant à donner plus de pouvoir aux consommateurs canadiens face aux grands fournisseurs de services de radiodiffusion du pays. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes propose cette fois-ci l'ébauche de nouveaux codes qui obligeraient notamment les entreprises de distribution par câble ou par satellite à rendre leurs contrats plus simples à comprendre pour le commun des mortels et à informer leurs clients des changements apportés à leur offre de services. Les fournisseurs de services de radiodiffusion devraient aussi simplifier leurs grilles tarifaires et leurs forfaits, souvent durs à suivre, et clarifier les politiques et les frais en cas de résiliation anticipée du contrat ou de modification des choix de canaux. Enfin, lorsque le sous-titrage pour malentendants est déjà offert pour une émission, le CRTC s'attend à ce que les versions en ligne et à partir d'appareils mobiles soient elles aussi sous-titrées. De plus, les radiodiffuseurs devraient augmenter la quantité d'émissions avec vidéo-description offertes au cours des prochaines années. Les Canadiens sont invités à donner leur avis sur ce code provisoire d'ici le 25 mai. Le CRTC aimerait connaître quel type de renseignements les entreprises de distribution par câble et par satellite devraient fournir aux clients au moment de leur abonnement, quel préavis elles devraient donner lorsqu'elles changent le prix des canaux ou de forfaits composés de plusieurs canaux et quel intervalle de temps serait raisonnable pour les rendez-vous d'installation. Cette nouvelle proposition marque par ailleurs la fin de la consultation Parlons Télé, dont on parle sans cesse depuis l'automne. Le CRTC avait lancé ça en 2013 sur l'avenir du système de télévision et sur la manière dont il peut s'adapter à l'évolution des technologies et des habitudes d'écoute. Le gendarme de la radiodiffusion canadienne a reçu plus de 13 000 commentaires de particuliers, d'organismes et d'acteurs de l'industrie. Le CRTC a récemment annoncé de grands changements dans le secteur de la télévision. Les fournisseurs par satellite et par câble devront dorénavant offrir un service entrée de gamme à 25$ par mois au moins, on en parlait la semaine passée. Les réseaux canadiens de télévision n'auront plus à présenter d'émissions produites au pays avant 18h. Auparavant, 55% de ces émissions devaient être canadiennes. Ça aussi, on en a parlé la semaine passée. En décembre 2014, le CRTC avait par ailleurs permis aux Canadiens de changer de fournisseur de services de télévision sans avoir à donner un préavis de 30 jours s'ils sont insatisfaits et à choisir la télévision en direct comme solution de rechange gratuite. Le reste des détails sur Parlons Télé sont sur assemblagerequis.com. Et on passe déjà aux États-Unis avec Mulder et Scully qui seront de retour au petit écran pour 6 épisodes. On avait abordé le sujet il y a quelques semaines de ça, c'était encore que des rumeurs, ou en tout cas c'était vraiment proche d'arriver, David Duchovny était vraiment dedans, tout le monde parlait de ça, et là c'est signé. Donc les agents Mulder et Scully feront bientôt leur retour au petit écran. Le réseau Fox a annoncé qu'il diffuserait 6 nouveaux épisodes de la célèbre série The X-Files, en français aux frontières du réel, cet été. Donc ça c'est, je crois que c'est l'enregistrement qui est cet été. pas mal sûr d'avoir lu ça, je veux pas... David Duchovny et Gillian Anderson reprendront donc le rôle des agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully. Le créateur de l'émission, Chris Carter, a affirmé qu'il considérait la longue absence de l'émission comme une pause publicitaire de 13 ans. La bonne nouvelle, c'est que le monde n'est devenu que plus étrange durant ces années, dit-il. La première saison de cette série a commencé en septembre 1993 à Fox et a duré 9 saisons. Fox n'a donné pour l'instant aucun autre détail sur la nouvelle saison, mais on va évidemment suivre ça, parce que Colin, je trouve ça cool, les X-Files. L'humoriste Trevor Noah va remplacer Jon Stewart au Daily Show. C'est un humoriste sud-africain qui sera le nouveau présentateur de l'émission satirique américaine The Daily Show en remplacement de Jon Stewart qui a accroché les gants après 16 ans de bon travail. Il a déjà donné sa retraite, mais il continue à l'émission pour le futur approché. Âgé de 31 ans, ce comédien de stand-up méconnu aux États-Unis prendra bientôt les rênes de cette émission quotidienne mêlant satire politique et humour qui a fait de nombreux émules sur le globe. Voilà. Je cite Trevor Noah. Personne ne peut remplacer Jon Stewart, mais grâce à la fantastique équipe du Daily Show, nous continuerons à faire le meilleur des shows. Mi-février, Jon Stewart, 52 ans, avait annoncé son départ de l'émission de la chaîne Comedy Central après 16 années passées à fustiger les travers des politiques. Des politiques éraillées sans relâche de la chaîne conservatrice Fox News. La date exacte du passage de relais sera annoncée ultérieurement, précisé Comedy Central dans un communiqué. L'élimination de M. Noah constitue une surprise pour plusieurs. Le jeune trentenaire à la gueule d'acteur et à la fine silhouette n'a fait que quelques apparitions, des shows en fait trois en tant que contributeur et n'est pas une figure familière des plateaux de télévision américains. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté les shows, des gens de l'équipe qu'on pensait qu'il y avait des chances de passer au poste d'animateur. Un après l'autre, ils sont soit partis pour HBO dans le cas de John Oliver, à TBS dans le cas de Samantha Bee et plusieurs autres. Jessica Williams, qui était une des... enfin, qui est encore chroniqueuse là-bas, collaboratrice, a dit « Je ne suis pas qualifié du tout pour ça. » Ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Après avoir fait le tour, ils sont tombés sur Trevor Noah. Ils ont aussi apparemment demandé à Amy Poehler, et là je lis plus l'article depuis 2-3 minutes, là, je me rappelle de ce que j'ai lu dans d'autres articles, parce que pour vrai, les articles français, ça me topsénère des fois, mais on a demandé à Amy Poehler et Louis C.K. D'animer, entre autres, l'émission, mais j'imagine qu'ils sont beaucoup trop occupés. Il y avait aussi Amy Schumer, qui est une des vedettes de Comedy Central en ce moment, et elle est rendue qu'elle fait des films, donc peut-être que si on lui avait demandé l'année passée, peut-être qu'elle aurait accepté, mais cette année, je pense qu'elle sait qu'elle peut faire du cinéma, donc elle n'ira pas animer une quotidienne, parce que quand t'animes une quotidienne, t'es pas mal pris avec ça, hein. Tu peux pas faire grand-chose d'autre. La preuve, c'est que Jon Stewart est allé filmer un film outre-mer, et il a été obligé de prendre un congé pendant tout un été. C'est John Oliver qui l'avait remplacé pour animer l'émission. Il y a eu tellement de succès, John Oliver, qu'on pensait que ça allait être lui le prochain à animer, mais non, il est parti à HBO pour animer Last Week Tonight. Grosse histoire, le Daily Show. Moi j'adore ça. Puis l'article, si vous voulez lire la biographie de Trevor Noah, qui est il a l'air d'un très bon gars. Par contre, sur Twitter, on a sorti dans les médias. Évidemment, aussitôt qu'on annonce quelque chose comme ça dans les médias, on va chercher partout sur Twitter, sur Facebook, et on a trouvé plein de commentaires misogynes et antisémites. Oups, ça arrive, t'sais. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont faire on va trouver quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'ils vont voir ça comme de la publicité pour Comedy Central. On sait pas encore, on va évidemment suivre ça. Ensuite, toujours aux États-Unis, Snoop Dogg qui prépare une nouvelle série télévisée. Snoop Dogg s'est associé à Allen Hughes pour produire une nouvelle série télévisée sur le Los Angeles des années 80. Le rappeur, qui est originaire de Long Beach en Californie, a annoncé la nouvelle le 20 mars lors du festival South by Southwest à Austin, au Texas. Snoop Dogg a révélé qu'il serait producteur exécutif de cette série dramatique familiale qui sera diffusée sur la chaîne américaine HBO. Je cite HBO, la première chaîne du monde en ce qui concerne le développement et le financement de ce type de série. C'est un rêve devenu réalité de pouvoir raconter une histoire sur la bonne chaîne. Maintenant, on s'en va au Royaume-Uni. La BBC qui se sépare de Jeremy Clarkson, animateur vedette de Top Gear. La BBC a annoncé sa décision de se séparer de Jeremy Clarkson à la suite d'un énième incident créé par le présentateur vedette de Top Gear, une émission automobile suivie par des centaines de millions de passionnés à travers le monde. Je cite, c'est avec regret que j'ai dit aujourd'hui à Jeremy Clarkson que la BBC ne renouvellerait pas son contrat qui expire fin mars. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le directeur général de la BBC. Il a précisé que le présentateur s'était rendu coupable d'agression physique et verbale à l'encontre du producteur Eisen Tymon. Ni Jeremy Clarkson ni aucun témoin n'ont contesté le fait que Eisen Tymon a été victime d'une agression physique et verbale sans aucune provocation de sa part. Le directeur général a précisé que l'émission serait présentée ces prochains mois par Kim Schillinglaw, une productrice maison, avant que la chaîne ne travaille au renouvellement du programme pour 2016. L'animateur de 54 ans a été mis à pied depuis deux semaines par la BBC. après l'altercation avec l'un des producteurs de l'émission. Connu pour son ton irrévérencieux, il a suscité dans le passé maintes polémiques avec des sorties provocatrices et parfois même racistes, traitant par exemple les Mexicains de paresseux et de bons à rien. Il avait d'ailleurs indiqué être en sursis depuis le dernier incident majeur l'année dernière en Argentine. Une Porsche qu'il conduisait lors d'un tournage en Patagonie portait la plaque d'immatriculation H982FLK, évoquant selon les Argentins la guerre des Malouines, les Falklands en anglais, en 1982. Wow, c'est du détail, ça. Malgré cette réputation sulfureuse, Jeremy Clarkson a reçu une énorme vague de soutien. Ah, mais ça, même les pires criminels ont des vagues de soutien tout le temps. Pas que c'est un énorme criminel, là, mais ça veut pas dire grand-chose. Faut relativiser. Même les meurtriers ont des femmes, tu sais, mettons, là, juste pour relativiser, t'sais. Mais bon. Donc, pour la BBC, la fin du contrat avec Jeremy Clarkson pourrait avoir d'importantes implications financières. Top Gear rapportant environ 50 millions de livres par année. Cette émission automobile bénéficie d'une audience exceptionnelle. La BBC estime à 6,5 millions... le nombre de téléspectateurs qui suivent la série au Royaume-Uni seulement. Il serait 350 millions à travers le monde. C'est un méga succès, donc c'est une extrêmement grosse nouvelle. Maintenant, on reste au Royaume-Uni avec Stanley qui travaille sur une série pour Sky One. La chaîne de télévision payante Sky One travaille avec le légendaire scénariste de bande dessinée Stanley sur sa première série dramatique pour le Royaume-Uni, aux côtés du producteur de Downton Abbey, Carnival Films. Lucky Man est basé sur une idée originale de Stanley, co-créateur de Spider-Man, Iron Man, Hulk et X-Men, et est faite en collaboration avec sa compagnie de production POW Entertainment. La nouvelle série va suivre la vie d'Eric Clayton, joué par James Nesbitt, qui est en train de perdre pied. Joueur compulsif, sa femme, jouée par Eve Best, et son enfant l'ont quitté. Il a une énorme dette à un patron du crime qui menace sa vie et est détesté par son patron. Un jour, lors d'une rencontre fortuite avec une femme mystérieuse qui lui donne un bracelet antique, change tout, il obtient le pouvoir de contrôler la chance, mais à quel prix? Lucky Man mettra en vedette James Nesbitt, qu'on connaît pour The Missing et Jekyll, et Eve Best, qu'on connaît pour Nurse Jackie, Sienna Guillory, Amara Karen, Darren Boyd, Amit Jalili, et Kenneth Tang. Voilà. Maintenant, on va sur Internet. C'est toujours le dernier endroit parce que l'Internet, c'est partout. T'sais, Québec, Canada, ailleurs, mais partout dans le monde. Netflix, qui songe, en fait, c'est drôle que je dise cette phrase-là, parce que ça va probablement avoir un lien avec Netflix qui songe à rendre son catalogue uniforme dans tous les marchés. Quelle est la meilleure façon de contrôler, de contrer, pardon, l'emploi de VPN? Ça, c'est des Virtual Private Network. Bien sûr, il me semble que oui. C'est où tu peux faire semblant que t'es aux États-Unis, tu fais semblant que t'es au Royaume-Uni pour voir les émissions de d'autres territoires que t'es pas supposé de pouvoir voir légalement. Donc, quelle est la meilleure façon de contrer ça pour les utilisateurs de Netflix qui souhaitent contourner les restrictions géographiques? Eh bien, c'est de donner aux consommateurs exactement ce qu'ils réclament. Imaginez si Netflix avait une seule et même offre de contenu. Peu importe que vous soyez au Canada, où il n'y a absolument rien à regarder, quasiment. Par comparaison, il n'y a pas grand-chose. Mais non. Aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde, c'est la nouvelle rumeur à propos de Netflix qui circule ces jours-ci sur Internet, s'appuyant sur les propos même du PDG de l'entreprise, Reed Hastings. En effet, lors d'une entrevue réalisée avec Gizmodo dans le cadre du lancement de Netflix en Australie, le grand patron s'est exprimé sur une façon de régler la question du VPN, une bonne fois pour toutes. L'emploi de VPN, je cite, n'est qu'un petit astérix par rapport au piratage. Le piratage est le vrai problème du monde entier. L'utilisation du VPN met en scène quelqu'un qui est prêt à payer, mais qui ne peut pas tout payer. Parce qu'on ne le laisse pas faire, ça. La solution simple pour Netflix serait de devenir un service mondial et d'avoir un catalogue uniforme partout dans le monde pour éliminer la nécessité d'utiliser un VPN. Ensuite, nous pourrions concentrer nos efforts sur le plus grave problème, qui est le piratage. Tout à fait, parce que je crois fermement que la grande majorité des gens, lorsqu'on leur donne l'option de payer ou de ne pas payer, choisiraient de payer. C'est juste que souvent, on ne peut pas le faire. Tu sais, quand tu veux une série, on parlait ce matin des aventures de Bruno Blanchet sur Évasion, si on nous offrait le DVD, la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont, mettons, du côté légal de la force, choisiraient de payer pour... on nous offre pas l'option. Fait qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas le pirater parce que tu veux le voir. T'sais. Offrez-nous l'option, puis tout va bien aller. Puis offrez-nous pas l'option d'aller les acheter un épisode à la fois sur iTunes à 6$, genre l'épisode. Ça, c'est pas une option pour moi, je trouve pas. Je trouve pas ça raisonnable. Bref, essentiellement, Hastings croit que négocier les droits de distribution des contenus de Netflix dans l'ensemble des marchés où le service est offert est une chose possible. Reste à voir maintenant si les ayants droit seront ouverts à l'idée. J'ai des doutes. Et quelles conséquences une telle décision pourrait avoir sur des marchés avec des mesures protectionnistes importantes comme le Canada. Ah, c'est ça l'affaire, c'est des questions de politique. Et finalement, lancé en 2012 par Google, le jeu mobile Ingress pourrait bientôt bénéficier d'une adaptation en série télé. C'est en tout cas ce que souhaite le géant du web. Mélange de géolocalisation et de réalité augmentée, le jeu mobile Ingress, développé par Niantic Labs, le studio de Google, pourrait bientôt sortir du cadre des téléphones mobiles. Selon le site The Information, l'entreprise américaine souhaite porter le concept de son jeu à la télé sous la forme d'une série. Google a donc établi un partenariat avec le studio de production Sean Daniel Company pour développer le projet. Le producteur a travaillé sur la franchise de films La Momie, mais également la série Space Opera The Expanse, qui va être diffusée sur la chaîne Sci-Fi en 2015. Un CV intéressant, puisqu'on imagine que Google a en tête un programme de science-fiction ou d'anticipation. L'entreprise espère convaincre une chaîne de télévision ou un service comme Netflix d'investir dans le projet en vue de la diffuser. Lancé en 2012 sur Android, puis en 2014 sur iOS, Ingress propose aux joueurs du monde entier de s'affronter en deux clans, d'un côté les éclairés et de l'autre les résistants. L'un des principaux objectifs du jeu est de prendre le contrôle de portails qui sont localisés dans le monde réel sur une carte basée sur Google Maps. Ingress a été téléchargé plus de 10 millions de fois depuis sa mise en ligne. Il dispose aujourd'hui d'une communauté solide, dynamisée par de nombreuses initiatives de Google. Et il n'est pas forcément étonnant que l'entreprise cherche à capitaliser davantage sur cette licence, même si on peut tout de même se demander ce que ça donnera au petit écran, nous dit Cubic.com. Évidemment, tous ces articles sont sur assemblagerequis.com. On continue avec les codes d'écoute pour la semaine du 9 au 15 février. Pour ceux que ça peut intéresser, de moins en moins, moi, en tout cas, de moins, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais bon. Position 15 à 6, La Voix, La Pause d'or, Mémoire vive, Vlog, Les enfants de la télé, Oh, La Voix, Au secours de Béatrice, Lance et compte et 19-2. En 5e, Yamaska, en 4e, LOL, en 3e, Les beaux malaises, en 2e, Unité 9 et en 1e, La Voix, avec 2 893 000. Du côté du Canada anglais, 15 à 6, Agent Carter, Gotham, Hawaii Five-O, Arrow, Blue Blood, CSI, Castle, The Flash, NCIS New Orleans et Hockey Night in Canada. En 5e, Criminal Minds, 4e CSI, l'original. En 3e, The Big Bang Theory, en 2e NCIS et en 1e, c'est l'émission, je crois que c'était l'émission du 40e de Saturday Night Live avec 2 679 000. Ça a quasiment pas le choix avec le numéro 1 des codes d'écoute. Donc SNLUS. Oui, c'est ça, c'est la spéciale du 40e anniversaire. C'est confirmé. Voilà. C'est tout pour Television. Tout à l'heure, on va continuer avec Merci Science, bien sûr, la série. La chronique, hein, qui parle de médecine, de science, la fusion entre les deux, mais pour l'instant, on écoute Spirit Waffle. Voici Bluegrass au Mathieu Planchot. Dans la zone 89.1. Mr. Wimmer et Traveling, précédé de Welcome to the New Life par Just Been Warp Zone. Et au début, avant la pause, c'était Bluegrass avec l'artiste Spirit Waffle. Ça nous amène à remercier la science. Voici Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Oui, je l'ai dit trois fois, c'est comme ça, peut-être même plus. On débute avec l'avionneur Boeing qui réfléchit à un bouclier impalpable pour protéger les véhicules militaires des explosions à l'aide d'un arc électromagnétique qui atténuerait l'onde de choc. Un brevet a été déposé, mais la mise en œuvre s'annonce complexe. On compare évidemment ça dans les médias à Star Wars. Donc dans l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, une scène de bataille sur la planète Naboo voit les combattants s'abriter sous un bouclier de protection géant pour résister aux tirs ennemis. La science-fiction regorge de ce genre de scénario qui laisse rêveur, et le constructeur aéronautique, Boeing songe à concrétiser ce concept de bouclier à champ de force dans la réalité. En effet, le géant nord-américain vient d'obtenir un brevet pour un procédé destiné à protéger les véhicules des explosions. Le brevet publié par le Bureau américain des brevets et des marques, le USPTO, décrit une méthode et un système pour atténuer les ondes de choc grâce à un arc électromagnétique. L'idée n'est donc pas d'utiliser un tel bouclier pour repousser les balles et les éclats, mais d'amoindrir l'onde de choc provoquée par l'explosion d'une bombe. Boeing a donc échafaudé un système de détection et de contre-mesure. Il repose sur des capteurs qui repèrent la signature électromagnétique d'un engin explosif, puis estime l'emplacement et la puissance de l'onde de choc avant qu'elle ne vienne frapper le véhicule. Le système déclenche alors des tirs laser à haute fréquence qui vont localement chauffer les molécules d'air afin de créer un arc électrique entre le véhicule et le point d'explosion. Cette concentration d'énergie a produit un canal de plasma. Dans ce volume de gaz ionisé, température, pression et composition sont suffisamment différentes, explique le texte du brevet, pour amortir, dévier ou réfléchir l'onde de choc venue de l'explosion. L'année dernière, des étudiants de l'Université de Leicester, au Royaume-Uni, ont publié un article démontrant que les boucliers à plasma imaginés dans Star Wars seraient scientifiquement réalisables. Le système reprendrait les principes de communication intercontinentale par propagation ionosphérique pour créer un bouclier à plasma autour d'un engin volant. Il faudrait utiliser des aimants à haute puissance dont les étudiants de Leicester ont calculé la force nécessaire afin d'obtenir une densité de plasma susceptible de résister à un tir laser. Mais il y aurait cependant plusieurs contraintes très importantes. La première est que la quantité d'énergie nécessaire pour que les aimants puissent produire ce bouclier serait telle que l'équipement occuperait la majeure partie du vaisseau. Deuxième problème, le bouclier fonctionne vers l'extérieur et l'intérieur. Sachant que sa vocation est de détourner le rayonnement lumineux, il bloquerait toute lumière et empêcherait le pilote de voir quoi que ce soit, ce qui n'est pas l'idéal en situation de combat. Le procédé de Boeing n'est pas à proprement parler un bouclier permanent, car cela nécessiterait une quantité d'énergie beaucoup trop importante. Cependant, l'idée soulèverait tout de même de nombreux défis techniques. Il faudrait d'abord que le déclenchement du bouclier soit parfaitement synchronisé et positionné dans l'espace pour intercepter l'onde de choc de la façon la plus efficace, le tout sur un véhicule en mouvement. Le système devrait également être en mesure d'évaluer la puissance de l'explosion afin de moduler l'intensité et la taille de l'arc électromagnétique. Boeing pense utiliser une base de données répertoriant la signature d'explosion de différents types de bombes. L'avionneur n'a pas évoqué d'expérimentation concrète à partir de ce brevet, en tout cas, du moins officiellement. Des chercheurs de l'université Fudan à Shanghai ont mis au point une fibre composée de cellules électrochimiques, les PLEC. La matière est suffisamment fine pour être tissée. Ça pourrait ouvrir la voie à la fabrication industrielle de tissus pour la création de vêtements lumineux et d'autres montres, d'autres objets connectés, pardon. Tellement habitué de dire montres connectées de nos jours, hein. Dans un avenir peut-être pas si lointain, nos vêtements pourront s'illuminer, changer de couleur à la demande et diffuser des notifications lumineuses envoyées par un smartphone ou tout autre objet connecté. C'est la perspective que couvrent les travaux d'une équipe de chercheurs de l'université de Fudan à Shanghai en Chine et de l'université de Californie à Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Dans un article publié par la revue Nature Photonics, il présente un concept de fibre lumineuse si fine et souple qu'elle pourrait être incorporée dans un tissu. Ce matériau qui ne mesure qu'un millimètre d'épaisseur est composé de cellules polymères électrochimiques émettrices de lumière, donc du PLEC pour Polymer Light Emitting Electrochemical Cells. Elle fonctionne sur le même principe que les OLED, les diodes électroluminescentes organiques, avec deux électrodes métalliques connectées à un semi-conducteur organique électroluminescent. Mais la principale différence est que, contrairement aux OLED, les PLEC fonctionnent mieux à faible puissance car elles utilisent des matériaux moins sensibles à l'air, ce qui permet d'envisager la fabrication de tissus lumineux basse consommation qui pourraient par exemple être alimentés par des systèmes de récupération d'énergie liés au mouvement du corps ou encore l'énergie solaire. La fibre PLEC se compose d'un fil d'acier enrobé de nanoparticules d'oxyde de zinc, de polymères électroluminescents à base de sel, le tout recouvert d'une couche transparente de nanotubes de carbone. Le résultat est un matériau suffisamment flexible pour pouvoir être tissé. Pour le moment, les prototypes mis au point peuvent émettre de la lumière bleue ou jaune sur la totalité de leur surface, mais les chercheurs indiquent que d'autres couleurs sont envisageables. Par ailleurs, le processus de fabrication est suffisamment simple pour convenir à une éventuelle production industrielle. Il y a toutefois deux limites importantes au développement de ce projet. D'abord, la luminosité de ces fibres chute de moitié au bout de seulement 4 heures d'utilisation. Cependant, deux chercheurs de l'Université de Valence en Espagne ont publié un commentaire à propos de ces travaux sur Nature Photonics faisant l'état de plaques susceptibles de durer plusieurs milliers d'heures. Le second obstacle à lever est qu'en l'état actuel, les fibres sont encore trop courtes pour pouvoir être tissées par des machines. Les chercheurs comptent poursuivre le développement de leur prototype jusqu'à parvenir à un résultat réellement exploitable. La chemise blanche qui s'éclaire en couleur pour aller en discothèque n'est donc pas pour tout de suite, mais qui sait, peut-être pour dans quelques années, nous dit Futura Science. Une technologie récente appelée CRISPR-Cas9 facilite la modification des génomes. Appliquée aux embryons humains, elle permettrait de corriger des défauts génétiques et la communauté scientifique s'en émeut dans un article qui soulève des questions éthiques. Du nom de CRISPR-Cas9, cette nouvelle technique simple et peu coûteuse est en train de révolutionner le génie génétique. CRISPR-Cas9 trouve son origine dans un système immunitaire bactérien. Il permet à la cellule de reconnaître la séquence d'un virus et de couper l'ADN contenant la séquence pour détruire le virus s'il infecte à nouveau la cellule. La protéine bactérienne est guidée par un ARN qui cible une séquence particulière d'ADN. Super technique tout ça. Alors, en 2012, Jennifer Doudna et la Française Emmanuelle Charpentier ont adapté ce système au génie génétique. Il est désormais possible de couper la séquence d'ADN de son choix en changeant l'ARN qui guide la protéine. Pour utiliser cette méthode, les scientifiques doivent fabriquer un ARN qui correspond à la séquence d'ADN à couper. Attaché à la protéine bactérienne Cas9, l'ARN se lie à sa séquence d'ADN et Cas9 coupe l'ADN à cet endroit-là. La cellule essaie alors de réparer la coupure, mais souvent avec des imperfections, d'où une inactivation du gène. Pour changer le gène, il suffit d'incorporer dans la cellule un morceau d'ADN similaire à celui qui a été coupé, mais contenant la bonne séquence. Ce système inspiré des bactéries permet des modifications dans l'ADN de plantes et d'animaux et crée des animaux génétiquement modifiés de manière plus aisée qu'auparavant. Des scientifiques chinois ont aussi pu obtenir des singes avec des changements dans deux gènes. La prochaine étape serait donc l'homme. La technique pourrait permettre de corriger certains gènes responsables de maladies humaines, soulevant ainsi de nombreuses questions éthiques. Dans un article paru dans Science, un collectif de 18 chercheurs appelle à la prudence s'agissant de la modification de lignées germinales humaines. Ils demandent que l'utilisation du CRISPR-Cas9, pour la manipulation du génome humain fasse l'objet d'un débat. Parmi ces 18 chercheurs se trouve David Baltimore, prix Nobel de médecine. Je cite « Nous voulons avertir les gens que c'est désormais facile ». Si les essais, c'est la fin de la citation. Si les essais cliniques sont bien encadrés aux États-Unis et en Europe, dans d'autres pays où la Si les essais cliniques sont bien encadrés aux États-Unis et en Europe, dans d'autres pays où la réglementation est plus laxiste, des dérives seraient à craindre. Les scientifiques demandent donc qu'il y ait un moratoire sur les applications cliniques. La manipulation des cellules germinales humaines qui fournissent ovocytes et spermatozoïdes permettrait des modifications génétiques transmissibles à la descendance. Au-delà de la question éthique et de la manipulation du génome humain, la technique pourrait comporter des risques à cause de coupures indésirables dans génome. Le risque d'erreur et les conséquences sur l'individu sont pour l'instant inconnus. Écran de télévision ou d'ordinateur, smartphone, tablette, les affichages électroniques sont partout et les utilisateurs attendent des dispositifs portables toujours plus pratiques. Pour répondre à cette demande, des chercheurs israéliens ont trouvé une solution originale reposant sur la bio-nanotechnologie. Ils ont en effet assemblé des molécules hybrides peptides ADN pour former des structures en double hélice. Dans un article publié dans Nature Nanotechnology, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv en Israël proposent de développer un nouveau type d'écran qui soit à la fois mince, léger, transparent, pliable et respectueux de l'environnement. Il serait réalisé à base d'une structure hybride ADN-peptide. Les écrans classiques sont constitués de plusieurs couches de matériaux rigides. L'idée des chercheurs israéliens est d'exploiter le potentiel de la bio-nanotechnologie pour émettre toute la gamme de couleurs dans une unique couche de matériaux pliable, de quoi réduire de manière importante les coûts de production. Rappelons que l'objectif de la bio-nanotechnologie est de construire des objets inertes à partir de composés propres aux vivants ou même d'organismes vivants. Les peptides et l'ADN font partie du bagage chimique de toute cellule vivante, c'est pourquoi ils intéressent la bio-nanotechnologie qui propose de les utiliser pour créer de nouveaux systèmes présentant des propriétés hors de portée de matériaux inorganiques comme les plastiques ou les métaux. Ainsi, l'ADN peut par exemple être utilisé non pas comme porteur d'un code génétique, mais plutôt comme un fil de construction. Malléable à soi, il peut en effet servir de guide pour créer des objets à l'échelle nanométrique. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs israéliens ont testé différentes combinaisons de peptides. Grâce à l'incorporation de brins d'ADN, ces polymères d'acides aminés, petits fragments de protéines, se sont auto-assemblés pour former des structures moléculaires uniques. Je cite, nous nous sommes concentrés sur les PNA pour peptide nucleic acide, un clin d'œil au thème ADN. Des molécules synthétiques hybrides peptide ADN. Nous avons imaginé et synthétisé différentes séquences de PNA et essayé de construire des structures nanométriques à partir de ces bases. Les chercheurs ont pu vérifier par microscopie électronique et cristallographie à rayons X que trois des molécules ainsi synthétisées étaient capables de s'auto-assembler en quelques minutes seulement pour former les structures ordonnées. Leur aspect rappelle celui de la double hélice d'ADN. Les structures qu'on connaît tous, des images qu'on a vues de ça, mais c'est la seule affaire qu'on connaît de ça. Le commun est mortel. Les structures présentent par ailleurs des caractéristiques propres aux peptides. Les chercheurs se sont alors demandé si ces structures étaient capables de se lier avec des colorants fluorescents spécifiques de l'ADN. Mais, à leur grande surprise, les structures synthétisées étaient en fait naturellement fluorescentes. Elles émettaient même toute la palette des couleurs. Les chercheurs israéliens ont de plus pu observer une émission lumineuse en réponse à un stimulus électrique. De quoi transformer leur structure à base de PNA en candidate parfaite pour la mise en œuvre de dispositifs optoélectroniques tels que des écrans flexibles. Maintenant, les robots. Avec ses robots fourmis et ses papillons bioniques, l'entreprise allemande Festo veut concevoir l'usine de demain, car les solutions matérielles et logicielles mises en œuvre avec ses prototypes pourraient permettre de concevoir des systèmes industriels automatisés, des robots insectes pour inventer l'usine du futur. L'usine du futur existe-t-elle déjà, cachée dans les extraordinaires facultés de certains animaux et insectes? Festo en est convaincu. Cette entreprise allemande développe des systèmes d'automatisation et de robotique en s'inspirant du biomimétisme. Pour concevoir de nouvelles applications, la société crée des prototypes d'animaux et d'insectes qui lui servent de plateforme pour développer des solutions techniques inspirées de la nature. On lui doit notamment la libellule Bionic Opter, le Bionic Kangaroo ou encore cet étonnant bras robotisé qui est le Flex Shape Gripper. Dont le système de préhension d'une grande délicatesse est directement inspiré de la langue du caméléon. Les fourmis et leur organisation sociale complexe ont nourri le tout dernier projet de Festo nommé Bionic Ants. Ces fourmis bioniques sont de petits bijoux de technologie. Leur corps fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D est bardé de capteurs. Une caméra 3D stéréo sert de système de vision pour les déplacements et la détection des objets. Les pattes ainsi que les mandibules sont faites en céramique piézoélectrique. Elles sont actionnées par des transducteurs de flexion qui offrent un contrôle précis et consomment peu d'énergie. Sous l'abdomen se trouve un capteur optique comme celui utilisé par les souris d'ordinateur qui permet au robot de déterminer sa position. Grâce à des algorithmes de contrôle, les Bionic Ants sont capables d'accomplir des tâches en répliquant le comportement coopératif de leur modèle vivant. Par exemple, on les voit se répartir le travail pour transporter une charge volumineuse, une fourmi bionique poussant l'objet tandis qu'une autre le tire à l'aide de ses mandibules robotisées. Chaque Bionic Ant dispose de 40 minutes d'autonomie après quoi elle se dirige automatiquement vers la station de charge à laquelle elle se connecte avec ses antennes métalliques. Les insectes bioniques communiquent entre eux par liaison radio en s'appuyant sur un jeu de règles préenregistrées qui leur permettent d'atteindre un objectif commun en combinant leurs capacités individuelles, exactement comme les vraies fourmis. Pour Festo, cette intelligence distribuée peut servir à développer des applications automatisées qui façonneront l'usine du futur où la robotique occupera une place prépondérante. Je cite, « Les systèmes de production du futur seront basés sur des composants intelligents qui sauront s'ajuster à différents scénarios pour accomplir des tâches complexes. » Ce travail sur l'articulation entre l'individuel et le collectif se retrouve également dans un autre projet nommé Emotion Butterflies. Il s'agit là de papillons bioniques ultra légers qui reproduisent avec une fidélité impressionnante le vol de ces lépidoptères. Ces papillons ne pèsent que 32 grammes, mais ils embarquent un équipement électronique miniaturisé très élaboré. Une centrale inertielle composée d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'une boussole. Deux servomoteurs pour actionner les ailes, deux modules radio, deux LED infrarouges qui servent de marqueur, deux batteries LiPo qui assurent 3 à 4 minutes d'autonomie et deux microcontrôleurs pour piloter l'ensemble. Plus impressionnant encore, ils peuvent voler en groupe dans un espace confiné sans jamais entrer en collision. Ils sont en fait coordonnés par un ordinateur central relié à un réseau de 10 caméras infrarouges. qui sont disposés tout autour de la pièce où évoluent les robots papillons. Les caméras se servent des LED infrarouges pour repérer chaque appareil et retransmettre la position. L'ordinateur pilote cette flotte en évitant tout contact. Et ce n'est pas question de faire voler des papillons dans les usines. Festo souligne que les technologies qu'ils intègrent, de même que le système de coordination, pourraient déboucher sur des applications logistiques, notamment du guidage ou de la surveillance grâce à un réseau infrarouge. Et finalement, ça aurait pu être un joli poisson d'avril. Un duo de chercheurs amateurs affirme qu'une injection de pigment de chlorine 6 dans les yeux de l'un d'entre eux lui a permis de voir dans le noir. Diffusée sur leur blog, la description a un beau succès médiatique. Si l'idée est recevable, la démarche scientifique laisse nettement à désirer. Jeffrey Tibbetts et Gabriel Lucina veulent mettre la science au service des citoyens. Ils sont tous deux adeptes du transhumanisme et de la singularité, selon laquelle l'intelligence artificielle dépassera bientôt celle de l'homme, accélérant les progrès dans tous les domaines, conduisant à une évolution exponentielle. Ils font tout eux-mêmes, la théorie, l'expérience et la publication sur leur propre blog Science for the Masses. Pas de vérification ni de contradiction possible, l'exercice est donc confortable. Pour l'heure, donc c'est leur première étude, ils veulent nous permettre de voir la nuit. Ils ont utilisé un pigment, la chlorine 6, de la même famille que le chlorophylle, absorbant la lumière rouge et connue chez les algues vertes, notamment les chlorelles. Alors, en médecine, elle est utilisée comme photosensibilisant dans les thérapies photodynamiques et les PDT pour détruire des tumeurs à l'aide de la lumière. La molécule ainsi activée devient toxique pour la cellule qui l'a absorbée. Donc, Jeffrey Tibbetts, notre bon ami Jeffrey Tibbetts, émerveillé d'avoir pu voir la partie sombre de la Lune au-delà du Terminator, s'est dit qu'il serait intéressant de remplacer la rhodopsine, le pigment des bâtonnets de notre rétine, par des porphyrines. Il suffit, selon lui, il l'explique sur son blog, en août 2014, d'arrêter de consommer de la vitamine A1, rétinol, au profit d'aliments riches en vitamine A2, le déhydrorétinol. L'enthousiaste a voulu aller plus loin en convainquant son collègue Gabriel, apparemment un garçon Gabriel, avec un de se laisser appliquer sur les yeux une solution de chlorine 6. D'après celui-ci, il a pu reconnaître des visages connus ainsi que des objets dans un endroit obscurci. Hein, en anglais, darkened area, donc pas complètement noir, mais noirci, obscurci, dans un bois la nuit, par exemple. L'expérience est relatée sur le blog à la manière d'un article scientifique, du moins dans la forme, avec une introduction, une partie matérielle, les méthodes, un chapitre sur les résultats, une discussion. On y parle d'un groupe contrôle de 4 personnes, du sujet, donc Gabriel Lucina, de distance d'observation de 20 à 50 mètres, de pourcentage de réussite, 100% pour le sujet, 33% pour les autres, et de temps d'action de la chlorine. Il faudrait une heure pour augmenter la sensibilité au point de gêner la vue. Cette vision d'exception durant 2 heures. Les références bibliographiques renvoient notamment à un article sur l'utilisation de la chlorine 6 pour traiter le cancer de la vessie et une demande de dépôt de brevet pour améliorer la vision nocturne et guérir la cécité nocturne, qui utilise la même molécule conjointement à l'insuline. Sur le fond, les précisions sont maigres. On ne sait pas comment agit cette chlorine, ni avec quelle luminosité a été réalisée l'expérience, ni quelle acuité visuelle a été obtenue. Elle aurait pu être mesurée avec des techniques d'ophtalmologie. Le texte ne comporte aucun tableau de résultats, ni aucune illustration, nous dit-on. On ne comprend pas non plus pourquoi une telle expérience peut être réalisée sur un être humain, vu la toxicité possible de cette chlorine. Bref, l'article ressemble un peu à une farce. Elle a été pourtant repris assez généreusement dans la presse mondiale récemment. Donc, un petit dossier, encore une fois, de nos amis de chez Futura Science. C'est tout pour Merci Science. Voilà, ça fait le tour des nouvelles scientifiques, médecine et autres médicales. On retourne entendre, en fait, on s'en va entendre un bloc de 2 pièces. C'est un maxi de chiptune, donc en 2 pièces de Metatronaut qui s'appelle Summer. Hein? Quand même, ça vient de l'été passé. Ça nous parle d'un plus grand album qui s'en vient quelque part en 2015. Donc, on va commencer avec le premier extrait qui se nomme Hills. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou! We'll be right back. de découverte. Pièce du maxi à Summer EP par Metatronaut. On a entendu Hills au début, ça c'était Genesis. On peut télécharger les deux pièces sur metatronaut.bandcamp.com ou en passant par assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le Sigmund Geek Cynix. Cynix, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est ça. J'oublie tout le temps les trois ensemble. C'est dans, pas nécessairement dans cet ordre-là. T'sais. On a tendance à commencer par les nouvelles, les choses du futur. Hein? Google qui s'allie à Johnson & Johnson dans les robots chirurgicaux. Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson et le géant de l'Internet Google, vous connaissez peut-être Google, vont fabriquer ensemble des robots chirurgicaux, un créneau en plein boom, afin d'aider les praticiens lors d'opérations. Ce partenariat stratégique, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, porte sur le développement d'une plateforme de robots chirurgicaux entre Ethicon, une filiale de Johnson & Johnson, et le groupe de Mountain View en Californie, Google. Je cite « Ensemble, nous voulons donner aux équipes médicales à travers le monde les meilleures technologies. Depuis l'avènement de la robotique chirurgicale il y a une quinzaine d'années, le robot s'est imposé dans quasiment tous les domaines, chirurgie cardiaque, gynécologie, endocrinologie, ophtalmologie et surtout urologie. » Aux États-Unis, le traitement du cancer de la prostate par prostatectomie radicale avec l'aide du robot est réalisé par un très grand nombre de praticiens. Le robot explique ces derniers rend les gestes des chirurgiens plus précis et plus sûrs. Un seul hic, c'est le développement de ces appareils qui demandent de lourds investissements, d'où l'avantage des partenariats comme celui annoncé par Johnson & Johnson et Google. La robotique est l'un des nouveaux secteurs d'activité en dehors de son cœur de métier dans lesquels Google a investi ces dernières années. Le géant Internet a notamment effectué plusieurs acquisitions, par exemple en décembre 2013, celle du fabricant de robots Boston Dynamics, qui compte parmi ses clients l'armée américaine. On reste avec Google qui obtient le brevet d'un bracelet détectant cancer et autres maladies. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a récemment accordé à Google un brevet détaillant le concept d'un bracelet visant à diagnostiquer et potentiellement combattre certaines maladies graves. Le brevet en question est intimement lié au projet de nanodiagnostic dévoilé il y a quelques mois par le département de recherche scientifique de Google. En effet, l'entreprise a révélé en octobre dernier qu'elle travaillait sur le développement d'une pilule remplie de nanoparticules servant à marquer les cellules cancéreuses ou dépister les changements biochimiques annonciateurs d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Parmi les moyens présentés pour gérer ces particules fonctionnalisées, il était notamment en question pour le patient de porter un accessoire connecté, comme un bracelet. Ce brevet représente donc une des nombreuses étapes préliminaires nécessaires pour que cette méthode d'analyse se concrétise un jour. Une méthode d'analyse, mais aussi un traitement, car si Google parvient à déterminer exactement comment faire en sorte que les nanoparticules s'adhèrent précisément et efficacement à un type de protéine qu'on retrouve uniquement auprès des cellules cancéreuses, on pourrait non seulement diagnostiquer la maladie, mais également la combattre, nous dit branchez-vous.com. Je cite... L'invention concerne les particules fonctionnalisées dans le sang qui sont capables de se lier sélectivement à des cibles dans le sang qui ont des effets indésirables sur la santé. La liaison des nanoparticules aux cibles permet de modifier ou de détruire sélectivement les cibles par de l'énergie provenant de l'extérieur du corps de telle sorte que les effets indésirables sur la santé sont réduits ou éliminés. L'énergie est produite par un dispositif portable qui est capable de diriger l'énergie dans le système vasculaire subsurfacique du porteur du dispositif portable. Donc, le dispositif qui est présenté comme un bracelet fixé au poignet du patient à proximité des artères serait ainsi en mesure d'influencer les cellules marquées en transmettant une impulsion par fréquence radio, un champ magnétique, une impulsion acoustique, un flux lumineux infrarouge ou visible ou toute autre forme de signal. De leur côté, les nanoparticules peuvent notamment prendre les caractéristiques d'une molécule, d'un cryptophage, d'un virus ou d'un bactériophage et adopter une forme sphérique, tubulaire, asymétrique, etc. Bien entendu, le concept décrit par Google ratisse large comme la majorité... Ratisse large comme la majorité des brevets afin de s'assurer de couvrir un maximum de déclinaisons possibles. Enfin, comme on soulignait en octobre dernier, ce projet est encore à un stade très précoce. Reste à savoir maintenant si les recherches de Google aboutiront à un traitement médical concret d'ici les prochaines années. Une veste pour élargir l'éventail des sensations humaines. Sensations humaines, il y a un H, encore pas liaison, jamais. David Eagleman espère qu'un jour veste, VEST, le vêtement qu'il a inventé, pourra redonner l'ouïe aux sourds, faire ressentir les mouvements du marché boursier et élargir l'éventail des sensations humaines. Veste pour Variable Extrasensory Transducer ou transducteur de variables extrasensorielles est un haut sans manches équipé de nodules qui font vibrer les informations sur le dos de celui ou celle qui la porte. Je cite, notre cerveau se moque d'où il obtient ses données. C'est un outil général d'analyse de données. Vest est donc conçu pour envoyer des informations vers des tablettes électroniques qui convertissent des mots énoncés à haute voix, des prix d'action ou tout autre type d'informations en données numériques envoyées par Wi-Fi à des moteurs à vibration cousus dans le dos du vêtement. Celui-ci peut se porter discrètement sous une tenue normale. Je cite, il y a une différence entre le fait d'accéder à des masses de données et le fait de les ressentir. Imaginez un astronaute capable de sentir la santé globale de la Station spatiale internationale. C'est quand même quelque chose qui pourrait avoir un potentiel dans le futur. On peut voir une petite vidéo de démonstration lors de TED Talk sur assemblagerequis.com. Pendant sa présentation, M. Eagleman a démontré sur lui les performances de sa veste en train de recevoir en temps réel des messages provenant du réseau social Twitter, de même que des sons émis par le public. La start-up derrière le lancement de Vest se donne pour objectif de redonner l'ouïe aux sourds en convertissant les mots parlés en vibrations phonétiques qui pourraient être entendus, tout comme les non-voyants lisent en passant leurs doigts sur des lettres en braille. Des essais ont montré que les gens comprenaient assez rapidement le langage de la veste et pouvaient même être capables d'engager des conversations en quelques semaines. Vraiment cool. Le reste de l'article, il y en a à peu près le double plus long, donc allez voir sur assemblagerequis.com pour les détails. La reconnaissance faciale s'installe discrètement dans les aéroports. Celui de Washington Dulles a discrètement lancé le test d'un système qui permet de vérifier que le visage des voyageurs est conforme au portrait présent dans leur passeport. Quiconque ayant déjà voyagé aux États-Unis s'est déjà retrouvé confronté au service des douanes et de la protection des frontières, le CBP, dont les contrôles n'ont cessé de se renforcer depuis les attentats, évidemment, de 2001. L'aéroport international de Washington Dulles vient donc d'ajouter une nouvelle corde à son arc en lançant le 11 mars dernier une phase de test concernant un programme de reconnaissance faciale. La démarche consiste à prendre en photo de façon aléatoire les visiteurs qui viennent de l'étranger lors du contrôle du CBP. Le système de reconnaissance faciale se charge ensuite de comparer le cliché avec celui présent dans le passeport du voyageur pour s'assurer qu'il s'agit bien de la même personne. La démarche est destinée à compléter la vérification visuelle effectuée par l'agent de protection des frontières. L'algorithme de reconnaissance faciale développé en interne donne un pourcentage de ressemblance et l'agent peut prendre des mesures supplémentaires dans les situations qui l'exigent. Un peu d'informations concernant le programme ont été dévoilées, mais les autorités assurent que le système fonctionne en circuit fermé et que les données récoltées ne sont pas destinées à faire grossir les bases de données d'autres organismes, donc pas de crainte pour la vie privée. Le CBP est déterminé à protéger la vie privée de tous les voyageurs, disent-ils. Le stockage des photos ne devrait pas dépasser 90 jours au maximum. Une déclaration qui ne rassure pas l'Electronic Frontier Foundation. Dave Mas, l'un de ses représentants, estime que cette démarche pourrait être la première d'une longue lignée. Et je cite, « Aujourd'hui, c'est un test aux frontières, mais demain, ce pourrait être un déploiement de la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Aujourd'hui, les photos réalisées ne sont pas délivrées aux autres organismes et au ministère, mais ça pourrait être le cas demain. Le programme de test devrait durer 19 mois. Par conséquent, si vous atterrissez à Washington et qu'on vous prend en photo, en plus des autres contrôles biométriques, vous savez pourquoi. » Ford devance les autorités et concrétise une mesure de sécurité routière réclamée par les associations comme la Ligue contre la violence routière. Le constructeur propose de mettre fin aux excès de vitesse en équipant son nouveau monospace S-Max d'une technologie anti-excès. Exposé dès le Salon de l'Auto de Paris, puis dernièrement à Genève, le nouveau Ford S-Max propose pour la première fois chez ce constructeur et à notre connaissance pour la première fois sur le segment grand public une technologie qui adapte automatiquement la vitesse maximale du véhicule en fonction des panneaux de signalisation, nous dit Cubic.com. Le constructeur associe en fait des technologies et équipements qui servent depuis quelque temps à d'autres fonctions. Le limiteur de vitesse intelligent exploite effectivement la caméra située en haut du pare-brise, derrière le rétroviseur, qui sert déjà au maintien du véhicule dans sa file, dans sa voie. Cette caméra peut aussi interpréter les panneaux de signalisation et donc transmettre les limitations de vitesse au limiteur finalement de vitesse de la voiture. Concrètement, c'est le conducteur qui actionne l'accélérateur, mais la voiture ne peut pas dépasser la vitesse limite détectée sur le bord de la route. Si la vitesse maximale est abaissée, la voiture coupe l'accélération, donc l'injection de carburant, pour ralentir. Elle ne peut toutefois pas recourir au frein si couper l'accélération ne suffit pas. En descente, le conducteur est alors alerté. À l'inverse, il veut dépasser temporairement la vitesse ou si la voiture a pris en compte un panneau par lequel elle n'est pas concernée, comme sur une bretelle de sortie, sur une route parallèle, le conducteur peut enfoncer l'accélérateur jusqu'au déclic ou désactiver le limiteur à l'aide d'un bouton dédié au volant. Pour l'heure, le limiteur intelligent est facultatif. Il est présenté comme une fonction au service du conducteur, lui évitant de recevoir des amendes, mais avec une approche active par rapport aux assistants d'aide à la conduite, autrefois appelés avertisseurs de radar. Le limiteur intelligent sera donc proposé sur le Ford S-Max, qui sera mis en vente au début avril, donc là bientôt, pour des livraisons en novembre, en option au sein d'un pack d'aide à la conduite, qui inclut le détecteur de franchissement involontaire de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif. On souligne aussi que la capacité à détecter les limitations de vitesse n'est pas exploitée par ce dernier, sans qu'on sache pourquoi. Ces fonctions sont déjà sur le marché, mais elles étaient jusqu'à présent réservées à des berlines très haut de gamme, comme la Mercedes Class S, l'Audi A8 ou la BMW Série 7. Maintenant, on parle d'un bras bionique qui se connecte au smartphone. Andy est un bras bionique qui surfe sur la mode des prothèses imprimées en 3D pour un faible coût. Le potentiel de cet appareil repose en partie sur le fait qu'il utilise la puissance de calcul du smartphone de son porteur pour fonctionner. L'initiative de Limbitless Solutions mettant en scène Robert Downey Jr. au début du mois a notamment permis de mettre en avant le fait qu'il est possible aujourd'hui de réaliser des prothèses de membres pour un coût relativement faible grâce à l'impression 3D. Lors du festival South by Southwest, une entreprise japonaise nommée Exi avec 3i a confirmé cette tendance. Le bras bionique Andy est conçu à l'aide de pièces imprimées en 3D. Il coûte environ 300$ à produire et à assembler. Sa production le rend par ailleurs facile à personnaliser et à réparer en cas de besoin. Il est équipé d'un électromyogramme, ce qui permet de capter les courants électriques et qui accompagne l'activité musculaire. Mais l'une de ses particularités les plus intéressantes, c'est qu'il se connecte à un terminal mobile qui sert d'intermédiaire entre les mouvements musculaires et les mouvements de la prothèse. L'usage du smartphone est l'une des raisons pour lesquelles la prothèse Andy est disponible pour un coût relativement peu élevé. Il est possible d'effectuer une précommande dès maintenant, mais la liste d'attente s'avère assez longue et Exi souhaite livrer les entreprises et les laboratoires avant de mettre cette prothèse à disposition des particuliers dans l'optique d'offrir une version plus aboutie à ceux qui en ont vraiment besoin. Quelle excellente nouvelle! Maintenant, une avancée de la part de deux étudiants qui sont capables maintenant d'éteindre un incendie grâce au son, finalement. Vous aussi, vous avez peut-être marre d'être couvert de neige carbonique à chaque fois qu'un incendie se déclare. Viet Tran et Seth Robertson, étudiants de la George Mason University, ont peut-être trouvé la solution. Les deux étudiants ont publié une vidéo qu'on peut voir sur assemblagerequis.com baptisée « Augmente le volume pour éteindre un feu ». Ils y dévoilent leur dernière invention qui est un extincteur qui pulvérise du son. Nasran et Robertson ont développé l'objet, utilisant environ pour 600 $ d'équipement, malgré le scepticisme des professeurs et des autres étudiants. Et la vidéo prouve qu'il est possible d'éteindre un feu grâce aux fréquences sonores, oscillant entre 30 et 60 Hz, l'équivalent d'une basse un peu lourde en hip-hop. Elle sépare l'oxygène de la flamme jusqu'à sa disparition. Pour l'instant, ils n'ont testé leur extincteur que sur des feux de taille réduite déclenchés par de l'alcool, mais ils ne voient aucun inconvénient à changer d'échelle et s'attaquer à de vrais incendies. Une caserne de pompiers près de Washington a proposé de l'essayer sur une structure plus importante. Tran et Robertson imaginent déjà leur invention dans les cuisines ou dans la lutte contre les feux de forêt, les fréquences sonores évitant ainsi d'asperger les arbres de produits chimiques ou de gaspiller des litres d'eau. On peut voir la petite vidéo et une gif animée sur assemblagerequis.com. Vous le savez peut-être, la réalité virtuelle par l'intermédiaire de casques comme l'Oculus Rift, le Gear VR ou le Morpheus est désormais au cœur des espérances des joueurs et des développeurs. Un seul souci, c'est que certaines personnes réagissent assez mal à cette technologie-là et se retrouvent désorientées, ils ont le mal du mouvement. Pas de panique, les chercheurs travaillent à l'annihilation de ce mal qui a rebuté certains curieux de la réalité virtuelle. On sait que le mal des transports, ou le motion sickness, est dû au décalage entre ce que votre cerveau perçoit et ce que votre corps ressent. Il s'agit là d'une configuration à laquelle est confronté votre corps dans le cadre d'une expérience en réalité virtuelle. Évidemment, certains y sont particulièrement confrontés, d'autres beaucoup moins, à l'instar de n'importe qui, le gars de l'article est en train de dire, à l'instar de votre humble serviteur. J'aurais pu juste sauter cette phrase-là et s'arrêter comme mieux. Le souci, c'est que les personnes qui se sentent mal à l'aise en cas d'expérience virtuelle risquent d'être complètement bloquées à l'égard de cette technologie. Le but est donc de corriger au maximum ce problème, mais ça passe par deux moyens. L'optimisation matérielle à travers une meilleure stabilisation du matériel et la prise en charge logicielle par l'intermédiaire de démos ou de jeux qui proposent des repères visuels pour que le cerveau ne soit pas trop perturbé, nous dit jeuxvideo.com. Les repères visuels sont déjà utilisés dans les jeux compatibles VR, notamment sur Elite Dangerous, qui propose de voir ses mains et son corps comme si on était réellement assis dans un cockpit. Ça enlève apparemment le mal du mouvement. Néanmoins, la majorité des démos utilisées pour tester rapidement la VR ne prennent pas en compte de tels repères. Un étudiant de l'université Purdue a donc suggéré l'utilisation d'un nez virtuel afin de rassurer le cerveau. Cette technique a été testée durant la GDC à San Francisco, la Game Developers Conference, et les résultats ont été encourageants. En effet, la quarantaine de sujets qui ont participé au test ont tenu plus longtemps avec le nez virtuel que sans. 94,2 secondes supplémentaires avant d'être mal à l'aise sur la démo de Tuscany qui est une promenade de santé. Et 2,2 secondes sur un des nombreux roller coasters des manèges disponibles. C'est très peu, mais c'est un bon début pour la recherche, dit jeuxvideo.com, d'autant plus que la majorité des sujets de l'expérience n'ont même pas remarqué la présence du nez virtuel, comme le précise un assistant professeur de l'université au site phys.org. Les équipes scientifiques ont également procédé à des tests avec un outil permettant d'analyser l'activité électrique et la peau, ce qui a permis de remarquer là aussi les différences de résultats entre les joueurs ayant le nez virtuel et ceux qui n'en avaient pas. Il pourrait donc s'agir d'une nouvelle piste pour éradiquer le mal des transports en réalité virtuelle, ou plus communément appelé le VR sickness. Vraiment intéressant, tu vois un nez, un peu comme quand tu portes des lunettes, mettons tu vois ton cadrage de lunettes, puis tu finis par l'oublier, autant que ton nez, évidemment, je pense que la plupart des gens ne voient pas vraiment leur nez quand ils regardent, on le voit, mais notre cerveau l'oublie. T'sais. Donc un peu la même chose dans la réalité virtuelle, tu mets un nez, puis soudainement tu sais où tu es, puis tu n'as pas le mal du mouvement, je trouve ça vraiment intéressant. Facebook, premier test réussi pour un drone d'accès à Internet. Le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé la réussite d'un premier test en vol pour un drone solaire conçu pour apporter un accès à Internet dans les zones reculées. Le test du prototype baptisé Aquila a eu lieu au Royaume-Uni. Les appareils comme celui-ci aideront à connecter le monde entier puisqu'ils peuvent servir à un coût abordable les 10% de la population mondiale qui vivent dans les communautés reculées sans infrastructure Internet existante, dit Mark Zuckerberg. Facebook réfléchit aux moyens d'apporter Internet aux populations n'ayant pas encore accès à Internet, notamment dans des zones peu développées, dans le cadre de son initiative Internet.org, à laquelle participent également d'autres groupes technologiques. Mark Zuckerberg avait été évoqué dans le passé plusieurs hypothèses pour connecter le monde depuis le ciel, et qualifie de domaine majeur de recherche la possible utilisation d'une flotte de drones comme antenne Internet. Le drone Aquila, qui fonctionne à l'énergie solaire, a une envergure plus grande qu'un avion monocouloir Boeing 737 et pèse à peu près autant qu'une petite voiture. Elle pourra se maintenir en vol plusieurs mois à une altitude d'au moins 60 000 pieds, environ 18 000 mètres. Le géant de l'Internet Google avait un projet un peu similaire, en fait il l'a encore aujourd'hui, baptisé Loon, pour lequel il a déjà effectué des tests en utilisant des montgolfières. On reste dans le domaine des drones pour aller chez Amazon qui fait des tests au Canada. Le géant du commerce en ligne Amazon affirme être en train de tester un système de livraison potentiel par drone en sol canadien, nous dit la presse canadienne. Sa porte-parole Kristen Kish a indiqué que l'entreprise a construit des installations pour effectuer ses tests dans un secteur rural en Colombie-Britannique, refusant toutefois d'identifier l'endroit avec plus de précision. Madame Kish a dit que l'installation dans l'Ouest canadien Oui, et l'un des endroits choisis à l'extérieur des frontières américaines dans le but d'éviter les règles rigides mises en place par la Federal Aviation Authority, la FAA des États-Unis. Transport Canada affirme avoir autorisé Amazon à installer son site de test en décembre, alors que, ajoutant que celui-ci peut être utilisé toute l'année. Amazon espère un jour pouvoir se servir de drones pour livrer de petits colis à des clients moins de 30 minutes après la réception d'une commande. Transport Canada soutient que le certificat délivré à Amazon n'est que l'une des quelques 1700 ententes similaires conclues l'an dernier. J'ai vu la petite vidéo de drone d'Amazon. C'est vraiment cool à voir là, quand il s'accroche à la petite boîte de plastique dans laquelle on a inséré le matériel à livrer. C'est super bien fait. On reste chez Amazon qui se lance dans les services aux particuliers aux États-Unis. Après les produits physiques et numériques, le géant américain de la distribution en ligne, Amazon s'est lancé dans la commercialisation de services pour les particuliers. Parmi les offres proposées par Amazon Home Services, accessibles sur Amazon.com, figurent par exemple des services d'électricité ou de plomberie, de ménage, de jardinage, de décoration intérieure, de dépannage d'ordinateur en cas de virus, de changement de pneus de voiture ou encore des cours particuliers de musique, de mathématiques ou de yoga. Ça ressemble beaucoup à Amy's List aux États-Unis. Angie's List, pardon. Angie, pas Amy. Amazon promet des centaines de services proposés par des professionnels dont il dit vérifier les antécédents. Les prix sont fixés à l'avance et les utilisateurs peuvent laisser un commentaire sur le site, comme c'est déjà le cas pour les critiques de produits. Le service est pour l'instant disponible dans les grandes métropoles des États-Unis, dont New York, Los Angeles, San Francisco et, Los Angeles ainsi que Los Angeles. Incroyable. Au départ, simple libraire en ligne, Amazon a largement diversifié son activité. Il a fortement étendu la gamme de biens physiques et numériques qu'il vend. Il s'est lancé dans la fabrication de produits électroniques, des émissions de télé, un paquet d'affaires comme ça, l'hébergement en ligne, un paquet de produits chez Amazon. Pour tester l'ergonomie de votre site, vous pouvez embaucher un homme ivre maintenant. Besoin de tester la facilité de navigation au sein de votre site internet, un Américain propose ses services pour 250$ et se saoule avant de visiter tous les recoins du site. Votre site devrait être suffisamment simple pour qu'une personne saoule puisse l'utiliser. Tel est le credo de Richard Letauer, un développeur américain qui a lancé le concept de la navigation alcoolisée pour tester l'ergonomie d'un site web. Pour la somme de 250$, il propose donc de boire plus que de raison, puis de visiter un site désigné pour en tester les fonctionnalités. Le client reçoit par la suite un screencast, une vidéo de l'écran, commentée par le développeur lors de sa visite, ainsi qu'un rapport écrit. Je cite l'un des principes de base de l'expérience utilisateur, c'est que vous devez la concevoir dans la perspective où l'utilisateur est ivre. Toutes les caractéristiques de votre site doivent pouvoir être utilisées par quelqu'un qui pourrait avoir bu car il est susceptible d'avoir plus de difficultés que d'autres. C'est une super idée, mais difficile à tester. Mes bières et moi pouvons vous aider. Richard Littower l'assure, sa démarche est sérieuse et il ne s'affiche pas beaucoup de clients pour l'heure. Il semblerait que sa petite entreprise, parallèle à son emploi de développeur, rencontre du succès. En l'espace de quelques jours, il a gonflé le prix de la prestation de 100$, la passant de 150 à 250. Sur son site, il justifie cette augmentation par le fait qu'il souhaite écrémer les demandes pour ne se focaliser que sur les propriétaires de sites qui désirent une évaluation sérieuse de leur domaine et laisser de côté ceux qui voudraient juste disposer d'un screencast dans lequel un homme saoul fait des commentaires sous l'emprise de l'alcool. Le développeur rassure enfin, il n'est pas alcoolique et ne souhaite en aucun cas le devenir. Là, je cite... J'ai l'intention de boire de façon responsable. J'ai des amis proches qui viendront fréquemment vérifier que ça ne devient pas problématique pour moi. Je compte le faire qu'une fois ou deux par semaine en limitant le nombre de clients. Et pour terminer, sur la nouvelle triste, évidemment, je pense qu'on peut pas vraiment passer à côté. Vous vous demandez peut-être comment ça, je n'ai pas encore parlé, mais c'est là que ça se passe. C'est la fermeture de Future Shop au Canada. Une importante restructuration entraîne la fermeture de la majorité des succursales du plus gros détaillant d'électronique au pays. Seule une poignée de magasins vont être reconvertis en Best Buy. Et j'ai appris la semaine passée, comme peut-être vous, si vous êtes passé devant, que notre Future Shop de Trois-Rivières va être transformé en Best Buy. Bon. Selon Canoë, des employés ont été convoqués pour recevoir leur cessation d'emploi. Certains pourraient être engagés par Best Buy, propriétaire de la bannière canadienne depuis 2001. La décision est effective, donc depuis samedi passé, entraîne le départ de 1500 employés. Samedi ou vendredi? Samedi, c'est ça. Donc, je cite, Future Shop et Best Buy se regroupent sous la marque Best Buy. En anglais, on parle d'une consolidation. On affiche une foire aux questions sur le site futureshop.ca. Donc, les produits, services et fonctionnalités que vous connaissez de futureshop.ca sont maintenant sur bestbuy.ca. Il y a aussi une question de produits que vous avez achetés chez Future Shop. Il y a une période de transition entre les deux. Donc, information qui a été confirmée par l'entreprise plus tard dans la journée. Ils disaient réaménager un bon nombre de leurs magasins Future Shop sous la marque Best Buy. C'est ça qui était compliqué un peu avec l'histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de régions où il y avait un Future Shop juste à côté d'un Best Buy. Donc c'était un petit peu de la cannibalisation de leurs propres magasins. Les magasins qui se situaient proches d'un Best Buy, eux vont complètement fermer. Et ceux qui étaient tout seuls, comme nous ici, Future Shop, ça va changer de bannière. Évidemment, à part les couleurs puis quelques rangées, je pense pas qu'ils vont changer grand-chose. Il y avait une semaine entre les deux. Ça a fermé samedi le 28, et ça ouvre le samedi 4 avril. Donc une semaine entre les deux pour changer les affiches de couleurs puis changer les habits et pas mal. Par conséquent, ce nombre représente une grande partie des opérations québécoises de l'entreprise, dont beaucoup de succursales Future Shop sont voisines avec une bannière Best Buy. Dans le cas de la succursale de Saint-Jérôme, elle sera fermée temporairement, le temps d'être reconvertie, donc c'est la même chose qu'à Trois-Rivières. Communiqué annonçant le regroupement des magasins et de la boutique en ligne de Future Shop sous la marque Best Buy a été publié. 80% de la clientèle est à moins de 15 minutes d'un magasin et ceci ne changera pas, a dit Best Buy. On estime que 500 postes à temps plein et 1000 postes à temps partiel seront éliminés. Les employés touchés bénéficieront de l'indemnité de départ, de programmes d'aide aux employés et de transition professionnelle. Vous pouvez aller voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. La chaîne Future Shop comptait plus de 130 magasins au pays, dont 27 au Québec. Le nombre de magasins Best Buy en territoire canadien est supérieur, représentant au total 260 magasins. Triste. Maintenant donc pour les jeux les plus loués en club vidéo, en 10e place Battlefield Hardline sur Xbox 360, en 9e le même jeu sur PlayStation 3, en 8e Grand Theft Auto 5 sur PS4, en 7e le même jeu sur Xbox One, en 6e Mario Party 10 sur la Wii U, en 5e Borderlands The Handsome Collection sur Xbox One, en 4e le même jeu sur PlayStation 4, en 3e Battlefield Hardline sur Xbox One et en 2e Battlefield Hardline sur PS4 et finalement en première c'est juste Bloodborne sur PlayStation 4. C'est donc que tous les jeux soit en couple, Battlefield Online, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5, etc. C'est un drôle de palmarès cette semaine. Tout est comme presque symétrique. Voilà, pour CNX, encore une fois, je le dirai jamais assez, les liens sur assemblagerequis.com. On s'en va entendre, on était rendu à ça, c'est une chanson, oui, c'est la première de Zelda. C'est ça, ça s'appelle Project Nightmare, Links of Future Past. C'est l'album de remix de Legend of Zelda par MC Larny. On s'en va entendre la pièce Song of Healing, entre parenthèses, Interlude MPS. Le Mathieu Plante Show! Assez fou! Un hommage au jeu Super Metroid, version métal, bien sûr, par c'était Intergalactic Warrior par Hyde 209. Voilà. Juste avant, c'était une pièce inspirée de Sonic, The Project Nightmare, Links of Future Past, c'est le nom de l'album de remix de Legend of Zelda par MC Larny. Vous êtes au Mathieu Plante Show, et maintenant, c'est le moment de notre série spéciale, oui, nouvelle série qui débute aujourd'hui, qui sera pas très très longue, en fait, en deux semaines, ça va être terminé. Alors, c'est la série musicale Groovy, 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim, c'est les amis de Game Music for All qui contribuent à cette nouvelle collection de musique qui est hommage à un des plus grands héros de jeux vidéo, Earthworm Jim, le ver de terre. Le but est de rendre hommage à la série classique sortie sur Sega Genesis en 1994. GameMusicForAll.com/groovy pour plus d'informations. Vous pouvez aussi leur donner de l'argent, l'argent qui va être utilisé pour ramasser des fonds pour le site et pour remplir leur mission, qui est la promotion des artistes qui s'inspirent des jeux vidéo. On écoute Mastermind, voici Lorenzen's Gangsters Changes. Yes, yes. I'm from the 80s, home of the Heron, era of the hustlers. The world is my custody's, new rich Potter. The way I flip quarters, front on all these other rap artists, but me. Mom was a mink where Papa ran numbers, so it's plain to see where my whole plan come from. American dream, I'm living life still. Way I shine, it's like $1,000,000 light bill. Still I'm grinding, on me checking line, and 40 below Tim's on, getting my M's on. My best friend's car, I seen bad days, still find songs that I hear him on. Getting my Mary J. Blige reminisce on, hear his voice in my mind. Like nigga live on, so I get on that fly shit I've been on. Spin on corner to Enzo, with the rims on, for your info, puffin' on endo. Amnesia gives me amnesia, I ease up. That's right, I'm high, nigga, I want the sky. The world when I'm done, I'ma give it to my son. Let him live it up, split it up, switch it up. Six to get it up, man, I did it up, done. Rest of my belongings belong in the Hall of Fame. A list of hits next to all my names, I came. I want the sky, baby. Sky, baby. If the sky should fall and it all goes to money, foreclose on the house and auction off all my cars. Don't cry for me, Argentina. I'm mobbed in a Beamer. Took trips abroad, got mobbed in Sardinia. In the beast, I had peace in the club. Ladies know I'm that guy, they want a piece of my love. Man, they wanna do the boy like Mike in his prime. Billie Jean, the goddamn boy ain't mine. In the rock breakup, had the people losing hope. Can't lie, they had Muhammad Hope be on the ropes. Now I'm back in the go mode, back in the go-go's. Throwing the diamond up, repping the logo. Rose gold, rose flow, I'm okay though. But don't kill me, makes me stronger than before. So, here we go, and I'm not domino. When it all falls down, I'm like Kanye's jaw. I might break, but I don't fold. Till I hold the sky in my hand, yeah, that's my goal. Then I bid you Freddy adieu. Prodigal child, y'all not ready for the future. Then I disappear in a Bermuda Triangle, my name will be viewed as such. This to the man who refused to give up. I want the sky, nigga. Touch. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident since we ain't ready to see a black president, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's back, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope, yeah. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way, but you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kids. Well, hey, well, that's the way it is. Yeah, that's just the way it is. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh no, oh no. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. The way it is. Oh yeah. Oh yeah. Gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. and still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. Growing up as a kid, tough skins and afros, wasn't South Central, but still it came natural. It wasn't nobody to watch my back. Didn't want to be strapped to get jacked. Mama taught me not to trust no man. Brother, what's your plan? If you ever lose a fight, then you go back again and win. And I don't care if he was one of your friends. You better bury your feelings within and understand. Cause on top of the sand, they got keys, the Cadillacs, BMWs, Mercedes-Benz, and all of that. And on the top of the stairs, yeah, they got color TVs and even girls coming through tears. And on the bottom, you got nothing but guilt. Bad feelings being felt, dead homies being killed. When I die, always know that I never want to see my little brother drop. So you better stay on top. Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy beneath. Everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Little brother, look around you. Can't you see all the possibilities in me? You and me to the bang boogie. Up jump the boogie to the boogie to the boogie DB. I'm an MC. I spent 3 years in Mickey D's cleaning dishes. Half of that time was making wishes. One of the hit switches in the brand new 6-4. Well, all I could afford was a number 9 and Roscoe's for chicken and waffles. How about that Honda Accord? Used to watch them drive by at night till I got bored. But not no more. Really, that's for sure. Cause I got a million honeys knocking on my door. And I'm not trying to score with one. Cause disease is killing. That's ill to make a million and you getting done. When you on top of the world, girls make come. But when you fall down, you won't find one. Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Little brother, this is all we got. Me and you, we be crew. Even though it doesn't seem like a lot, it is. So don't be thinking negative. I know just how you feel when you got time to kill. I'll tell you how it is. I know you might be unsure. Cause it gets rough out there. And when it rains, it pours. I throw shoes from stores. Hung out with cool cats. Put cars on flats. Broke windows with bats. And that's not all. Even made crank phone calls. I was flossing on stars in a Fox Hills Mall. After all, please check my credentials. I once got busy in the winters. Yeah, so throw your hands in the air. Wave them around if you've been treated unfair. Yeah, cause no one cares. No one cares. Top of the stairs. Top of the stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. And no one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. And no one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. And no one really cares about the guy beneath. And everybody wants to be down with the dude on top of the stairs. Top of the stairs. Nameless, c'est Top of the Stairs, Skilo, X-E-W-G, X-Beretta, Remix, précédé de Two Mellow avec Pit of the Stomach, Intestinal Distress Remix au début du bloc Mask the Mind et Lorenzen's Gangster Changes sur la compilation Groovy 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim, la série de jeux vidéo Earthworm Jim, 20e anniversaire, et donc une compilation en honneur de ça. Si vous avez aimé Mask the Mind au tout début, on va le retrouver à la fin du prochain bloc, c'est la semaine prochaine parce qu'il nous reste encore 3 pièces dans cette compilation-là. Et je suis bien content en cette fin l'émission d'avoir juste assez de temps pour C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Cette fois-ci, et comme à chaque fois qu'on fait du Tech Edition, la plupart du temps, on parle des choses qui sont passées dans l'histoire. Et on a sauté une semaine, donc on a 2 semaines à rattraper. On commence par le 18 mars. En 1931, Jacob Schick a commencé le marketing de son deuxième rasoir électrique. Son premier n'avait pas vraiment eu de succès parce qu'il y avait un gros moteur, mais cette fois-ci, le design était plus pratique, c'est devenu un succès. Donc, un rasoir de Schick, vous connaissez le nom Schick. Je déteste cette compagnie-là, les poils me pognent tellement dedans, j'aime vraiment pas la marque Schick pour les rasoirs. Le 19 mars 1474, le Sénat de Venise, c'est ça? Venetian? Il me semble que c'est ça. Colin, ça va vraiment bien. D'habitude, c'est pas dans cette chronique-là que j'ai des problèmes de traduction. C'est dans toutes les autres assemblages requis. Vénitien. On se dit Vénitien. Donc, le Sénat vénitien qui a donné donc, un statut sur les brevets industriels. C'est considéré comme les premières lois de brevets. On avait déjà donné des brevets avant. Souvent, c'était les monarques qui choisissaient comme ça ce qu'ils voulaient. Mais ce statut-là donc, venait rendre la pratique complètement officielle. Et il y avait des termes dans des contrats. Ben, pas des contrats, mais ça durait 10 ans. Chaque brevet. Ouais. Et mauvaise traduction dans ce cas-ci. 21 mars 1999, le docteur Bertrand Piccard, un psychiatre suisse, et le britannique Brian Jones faisaient atterrir leur Britling Orbiter 3 vers les 8h heure locale à 300 milles au sud-ouest du Caire, en Égypte. Ils sont devenus donc les premières personnes à naviguer la planète au complet dans une montgolfière. En 2006, Jack Dorsey a envoyé le premier billet sur Twitter. C'était « Just setting up my Twitter ». Twitter qui était écrit DWTTR, donc sans les I et le E, sans le I et le E, voilà. Donc c'est l'appellation d'origine du site qui était utilisé à l'interne chez Odeo.com pendant 4 mois. Le 22 mars 1895, les frères Lumière montraient leur premier film devant public. C'était une comédie romantique qui montrait une foule de femmes, presque toutes des femmes, qui quittaient une bâtisse. Bon. En 1960, toujours le 22 mars, Arthur Schwalow et Charles Hard Towns ont reçu le premier brevet pour un laser, donc US number 2,929,922, sous le titre Masers and Maser Communications System. En 1981, le premier Selectavision Videodisc de RCA, c'était le SFT-100W, était en vente à partir de là. C'était une machine qui utilisait des disques Capacitance Electronic Discs pour mettre quelques heures de vidéo sur des vinyles de 12 pouces qui se vendaient pour environ 15$. C'était en 1981. Le 23 mars 1857, le premier élévateur, donc ascenseur de grands magasins comme on a chez Sears, là, les escaliers roulants, ont été installés chez E.V. Howout & Company à New York. C'était un développement significatif qui allait mener vers l'arrivée des gratte-ciels. Le 24 mars 1896, A.S. Popov aurait fait la première transmission radio de l'histoire humaine. Popov aurait transmis les mots Heinrich Hertz d'une bâtisse à une autre sur le campus de St. Petersburg University. Ça n'a pas été publié avant plusieurs années après ça, étant donné le besoin de secret militaire. On devrait garder le secret militaire à ce moment-là. En 2001, Apple sortait son nouveau système d'exploitation Mac OS X, nom de code Cheetah, qui était vendu pour 130$. On sait que maintenant, les systèmes d'exploitation, une fois que tu as acheté l'ordinateur, c'est gratuit. Ce qui est complètement logique, tu payes assez cher pour l'ordinateur. Hein? Le 25 mars 1995, Ward Cunningham a installé le premier wiki, WikiWikiWeb, sur un ordinateur à 300$ que quelqu'un lui avait donné. Il s'est connecté à Internet en utilisant un modem dial-up de 14,4 baud. En 2014, Facebook annonçait l'achat de Oculus VR, ceux qui fabriquent Oculus Rift, dont on parle tellement souvent à l'émission. C'est le casque de réalité virtuelle pour 2 milliards de dollars. Le 27 mars 1884, c'est la première conversation téléphonique à longue distance. Bell et Watson faisaient des expériences avec une ligne qui traversait de Boston à New York. La ligne a fonctionné pendant environ 90 minutes et ensuite elle est tombée, voilà. En 1899, Guglielmo Marconi faisait la première transmission sans fil de la France à l'Angleterre. Le message a été envoyé à 32 000 de distance entre Wimereux, près de Boulogne en France, jusqu'au South Foreland Lighthouse, donc un phare, près de Dover en Angleterre. C'est devenu une importante alternative comparé à mettre des câbles en dessous de la mer pour faire des télégraphes. C'est de la télégraphie. Le 28 mars 1905, Cornelius Herret de Rosemont, en Pennsylvanie, recevait un brevet pour « The Art of Transmitting Intelligence », l'art de transmettre de l'information, si on veut. Donc, c'était le précurseur au fax, au télécopieur moderne. Le 29 mars 1941, 80% des radios AM, des fréquences radio AM aux États-Unis ont été réassignées à de nouvelles chaînes, de nouvelles stations. Ça faisait partie du North American Radio Broadcasting Agreement. Le 30 mars 1951, le système UNIVAC, Census UNIVAC System, a été accepté et subséquemment a été dévoué presque exclusivement à la tabulation des résultats du census de 1950, le 1950 Census of Population and Housing. C'était aussi le premier UNIVAC à être capable de compléter 1905 opérations par seconde. Il mettait l'information sur un ruban magnétique. Le 31 mars 1939, Harvard et IBM signent un accord pour construire le Mark I, aussi connu sous le nom de IBM Automatic Sequence Control Calculator, le ASCC, qui pesait 5 tonnes et pouvait lire les données sur des rubans de papier et des cartes à punch. En 1993, Richard Depew a accidentellement posté 200 fois la même image, une image identique sur news.admin.policy, un newsgroup, alors qu'il testait un système d'automodération. C'est devenu la première fois qu'on appelait ça du spam. Finalement, c'est la première référence à du spam sur Usenet. En 1998, après 3 ans de développement et Ils ont beaucoup dû travailler sur le système Warcraft sur lequel il a été construit. Blizzard sortait le jeu très connu Starcraft. Voilà. Et finalement, le 1er avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, ont décidé de changer leur projet de garage en un partenariat. Et Ron Wayne a tapé le papier officiel. Wayne allait quitter le partenariat après 11 jours et Apple Computer était ensuite incorporé le mois de janvier suivant sans M. Ronald Wayne. En 2004, une des meilleures blagues de poisson d'avril de tous les temps, en fait, Google a lancé un vrai produit. Tu sais, Google fait une blague de poisson d'avril, le truc de Pac-Man dont tout le monde parle en ce moment, on l'a même pas abordé tellement tout le monde en parle, mais le jeu de Pac-Man dans les rues de... Bon, en 2004, ils ont lancé Gmail, en mode invitation seulement, donc un compte Gmail qui était... la chose la plus prestigieuse au monde pendant une certaine période. Je me rappelle que c'est le premier, peut-être pas le 1er avril, mais en tout cas dans le mois d'avril que j'ai eu mon compte Gmail. Ça n'a pas été trop long que je me suis lancé là-dessus. Et puis j'ai l'adresse mplante@gmail.com depuis ce temps-là. Avoir su, j'aurais aussi fait mathieuplante@gmail.com. J'en aurais fait plein d'autres, puis il est déjà pris, Mathieu Plante. J'ai déjà essayé récemment, mais non, il est pris. Désolé. C'est rendu ça, c'est comme sur Hotmail, faut que tu mettes des chiffres et des traits de soulignement, il n'y a pas qu'à faire. Voilà pour C'est un fait Tech Edition. Et par le fait même, je regarde le temps passé et d'après moi, ça sonne pas mal comme la fin d'un autre Mathieu Plante Show. Ah oui, c'est la musique me dit. C'est ce qui termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 17h à 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès Sifu. Programmation complète sur sifu.ca. Note de l'émission Balado, diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.